اللي جيت في الميكان سيدي نطلب اليوم لقيتك بعيد في احنا بخوفة ولا كل يوم يطلع فعلا معنا فعلا نورجي طب نسمع Haute. Voilà. Au-dessous de la vente de trade. Basse. Ah, je vais me faire ça. Tu me laisses mes chaises. Mélénan. Ouais. Tous ces éléments qui proviennent extériorisés par l'anus et qui peuvent être de coloration rouge ou noire et qui provient de, en aval d'une lésion qui est située en aval, en dessous de l'angle de 13, est considéré comme une hémorragie digestive basse. Vous avez compris? Définition, c'est très important. Bien. Alors, l'hémorragie digestive basse, du point de vue fréquence, elle est peu fréquente par rapport à l'hémorragie digestive propre. D'accord? Elle est peu fréquente, et généralement, elle cesse spontanément. Elle est toujours dans l'introduction. Elle cesse spontanément dans 80-85% des cas. C'était spontané. Mais elle peut récidiver. Elle peut récidiver dans un certain pourcentage. Mais 45% des cas, elle peut récidiver. D'accord? Vous avez compris? Alors, quelle est le, on dit que l'hémorragie digestive basse se extériorise par l'anus, c'est du sang qui est rouge, mais c'est du sang qui est noir. On revient un peu à la sémiologie. C'est quoi un mélénan? Dis un mélénan, dis pas une mélénan. C'est quoi un mélénan? Une mélénan. C'est de la sémiologie, hein. On est censé connaître. Oui. C'est tout? Petit. Pétine. Zéro. Ça, c'est des caractéristiques. Mais qui provient? Le mélénal, il provient. Et qui correspond à quoi? C'est du sang qui est distingué. Digéré. Du sang qui est. C'est pas gagné. Digéré. Du sang qui est digéré. D'accord? C'est important, les définitions. Si vous ne connaissez pas votre sémiologie, ça ne sert à rien de votre sang pour la pathologie. D'accord? A l'inverse, les rétroles de rectoragie, c'est quoi? L'émission par l'anus de sang rouge, aéré, d'accord? Non. Plus ou moins associé à des caillots. mais qui lui est témoin le plus fidèle d'une rhétorachie. On appelle la rhétorachie un enseignement bas, une hémorragie estime basse. Alors que le Ménéna, il peut s'agir d'enseignement. Voilà, il peut s'agir d'une hémorragie estime haute pour le Ménéna, comme il peut s'agir d'une hémorragie estime basse. Vous avez compris? Bien. Alors, un diagnostic différentiel. Donc, après avoir étudié la question, on parle de diagnostic différentiel. Avec quoi faut-il faire? Avec quoi ne faut-il pas se tromper en matière d'hémorragie digestive basse? Avec? Diagnostic différentiel, il peut se faire avec quoi? Ça veut dire que si vous avez cette chose-là, il ne faut pas la considérer comme une hémorragie digestive basse. Avec? Des aliments qui peuvent colorer les selles, d'accord, qui peuvent donner des colorations rouges, voire noirâtres, qui peuvent stimuler une hémorragie digestive basse. D'accord? Il faut faire attention. Et c'est déjà arrivé, ça m'est arrivé, moi personnellement ça m'est arrivé. J'avais un malade que je suivais, pour des métastases hépatiques qu'on a manipulées, c'était des cavales, disons, assez sérieux. Et qui dit à ça, qui me dit dans le bloc de contrôle, qui me dit, ah, je commence à ressaigner. Moi, c'est un peu de problème. Si je me mets à ressaigner, c'est que ça veut qu'il y a quelque chose. J'avais pas eu le réflexe de lui poser la question. Alors que le malade a été mis sous traitement par quelqu'un d'autre, et que je ne savais pas. Après, quand il m'a dit, ah, je prends du fer, ah, c'est là que je me suis rendu compte, ah, en arrêtant le fer, ah, tout est rentré dans l'eau. Vous avez compris? Donc, il ne faut pas se tromper. On peut être... connaître et se tromper, et ne pas avoir le fait de poser la question. Donc, toujours poser la question, est-ce qu'on n'a pas pris des médicaments, des substances qui peuvent colorer des selles en rouge ou en noir, qui peuvent stimuler une hémorragie digestive basse. A l'inverse, il y a un deuxième diagnostic différentiel, c'est l'hémorragie digestive haute extérieure à expression basse. Ouais. Donc, l'hémorragie digestive haute à expression basse. Citez-moi des exemples. Si vous avez fait le TD sur l'hémorragie digestive basse, on vous aurait dit certaines hémorragies qui sont massives. Certaines hémorragies qui sont massives, type un ulcère bulbaire postérieur, qu'on voit. L'artère duodénale postérieure. Par érosion de l'artère gastro-duodénale, qui est juste derrière le duodénum, juste derrière le bulbe, ça donne un saignement très important. Important au point où le malade va faire des hématémèses, va faire des ménénas, et peut même faire des rectorragies. Vous voyez, le saignement il est carrément au niveau presque à côté de l'estomac, le malade peut vous faire des rectorragies. C'est-à-dire que l'importance du saignement est très importante. Vous avez compris? Ce qu'on appelle les hémorragies digestives à expression basse. Le deuxième diagnostic qu'il faudrait connaître, qui eux sont considérés également comme des hémorragies digestives hautes mais à expression basse, c'est ce qu'on appelle les fistules aorto-duodénales. Les fistules aorto-duodénales sont des fistules qu'on voit après une chirurgie cardiaque, une chirurgie de l'anévrisme. Vous connaissez l'anévrisme de l'aorte? Alors, l'anévrisme de l'aorte, le traitement de l'anévrisme de l'aorte est un traitement chirurgical, aorte abdominale. Le traitement de l'anévrisme de l'aorte abdominale est un traitement chirurgical qui consiste, c'est une poche. L'aorte qui perd son élasticité, ça fait une poche qui risque de se rendre. C'est une urgence chirurgicale, il faudrait opérer le malade, réséquer carrément cette poche, il va être une prothèse. Le problème, c'est quand on met cette prothèse, par la suite, il y a des organes digestifs qui vont la recouvrir, et généralement, c'est le duodénum, qui est juste derrière. Quand le duodénum recouvre cette prothèse, parce qu'il y a qu'on va mettre, on va avoir des phénomènes d'accolement entre la prothèse et le duodénum, une anse digestive. Ce phénomène d'accolement, de fusion entre les deux, qui va aboutir à plus ou moins long terme à la création d'une fistule, c'est-à-dire une communication entre cette prothèse, qui porte carrément, et le duodénum. Il y a un trou par lequel le sang va passer de l'aorte, la prothèse, vers le duodénum. Et là, ça donne une hémorragie digestive. Cataclysmique, on peut perdre un malade. D'accord? Mais généralement, ce sont des hémorragies digestives fortes, parce qu'elles surviennent au-dessus de l'aorte. Vous avez compris? Deux diagnostics différentiels qu'il faudrait éliminer. Hémorragie digestive, bas, haute, à expression basse. Sure. Est-ce qu'on peut, on peut considérer les diarrhées gléro-sanglantes comme des diarrhées gléro-sanglantes, comme des hémorragies digestives, hein? Et là, vous allez éliminer carrément une rectorragie typique, unique, pathologique, c'est-à-dire comme entité hémorragie digestive basse. D'accord ? Là, oui. Dans ce cas, il y a un syndrome infectieux, un syndrome de colite, etc. D'accord ? Oui. C'est pas la même chose. Là, on parle de rectorragie de lésion qui entraîne un saignement. Lésion typique, on verra par la suite les étiologies, qui entraîne un saignement. D'accord ? Oui. Ensuite, oui, c'est parce que vous avez des questions. Alors, vous avez compris jusqu'à présent ? Bien, alors, après avoir posé la question, après avoir éliminé ce qu'il y avait à éliminer, donc vous recevez votre malade, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qui différencie un médecin d'un vétérinaire ? Voilà. D'accord ? Pas de différence entre nous et le vétérinaire. Sauf interrogatoire, encore que le vétérinaire, il peut poser la question, il peut faire l'interrogatoire avant de l'animal. L'ulcère gastro-duodénal. L'ulcère gastro-duodénal est plus important à rechercher dans le noyer cyprote. Mais n'empêche, il faudrait avoir la cette mention. D'accord ? Ensuite. Dans les antécédents pathologiques, mais il y a des antécédents un peu particuliers auxquels il faudrait s'intéresser. Mais il faut les poser. Je ne peux pas vous dire que j'ai un cancer, madame. Par contre, un cancer. Qui a subi quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai un cancer directement. Avec de la radiothérapie. Voilà. On a subi une radiothérapie. Ça, c'est important. La notion d'irradiation. D'accord ? La notion de prise médicamenteuse. Quel médicament ? Les anticoagulants. Ensuite, tous ceux qui peuvent entraîner un saignement. Tous ceux qui peuvent. Les médicaments qui peuvent fluidifier le sang et entraîner un saignement. Les anticoagulants. Ensuite, on dit qu'on prend chaque jour pour les anti-inflammatoires. Ensuite, les anti-inflammatoires, les AINS. Voilà. Et ça, c'est important à faire ressortir. Ensuite, notion de radiation, notion de manœuvre instrumentale. Est-ce qu'on a subi dans les jours qui ont précédé des manœuvres instrumentales ? Les polypes. Pour réséquer les polypes. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a une notion d'une polypectomie. Elle va enlever un polype chez lui. D'accord ? Notion d'une microvirectomie. Ça a été fait chez lui, chez le malade. C'est lui qui vient de dire, ah, j'ai saigné. Ça, tout ça, c'est des complications. C'est un résultat tiré du malade qu'il faudrait connaître. D'accord ? Ensuite, la notion d'irradiation. La notion de. Attention de manœuvre instrumentale, attention de prise d'une température, l'état associé, la notion d'une chirurgie ancienne, je vous ai parlé de la fistule aorto-duodénale, ce malade n'a pas subi une chirurgie ancienne. D'accord ? Voilà, donc vous devez faire ressortir tous les enseignements que vous pouvez tirer de cela. interrogatoire. D'accord ? Voilà, donc après avoir fait votre interrogatoire, quelle est la deuxième étape ? Examen. Oui, donc tout ça dans l'interrogatoire. Mais qu'est-ce qui vient après l'interrogatoire ? L'examen clinique. Sauf que l'examen clinique peut être différent. Dans quelle situation ? Voilà. On a affaire à l'hémorragie digestive. Il y a toujours ce réflexe. Si c'était une consultation devant un docteur, devant moi, je vous aurais dit oui, interrogatoire, ensuite examen clinique. Il y a une étape qui est très importante qui doit venir juste après l'interrogatoire. Dès que vous voyez votre malade, qui vous rapporte la notion de saignement, qu'est-ce qu'il faudrait quantifier pour arriver à quoi ? Urgence. Pour arriver à donc, apprécier, non. Apprécier. Apprécier la gravité du saignement. En matière de saignement, chaque fois qu'on vous rapporte un saignement, que ce soit en matière de moi, digestif haute, basse, en cas de démoctise, en cas de dépistaxis, en cas de quel que soit le apprécier toujours la gravité d'un saignement. Est-ce que vous avez compris? On a renvoyé les malades chez eux qui ont rapporté la notion d'hémorragie, qu'elle soit digestive, qu'elle soit haute, qu'elle soit basse. Les malades sont décédés chez eux. Pourquoi ? Parce que celui qui nous a examinés n'a pas apprécié la gravité. Est-ce que vous avez compris ? Apprécier la gravité. Comment apprécier la gravité ? هذاك هذا بك صح قال يدخل صح تدخل خويا الصغير قال لي دار فين سي باسا قلت له شحال دار فين سي باسا قال لي شحال قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له قلت Là, c'est à vous de voir. En appréciant la gravité, si vous avez la connaissance qu'il faut, en appréciant la gravité du Seigneur, vous allez voir si votre malade a raison ou pas. Parce qu'il y a des malades qui exagèrent leurs symptômes. Oui. On est sa tension intérieure, on est sa coloration, vous voyez les formules. Vous pouvez voir que le malade est. Là, vous avez vu que le malade est en train d'exagérer. Vous allez apprendre au fur et à mesure de votre expérience. Il y a des malades, il y a des malades. Il y a des malades qui souffrent en silence. Et qui ne disent pas. Et ce n'est que sur des résultats d'examen paraclinique ou d'examen clinique que vous en rendez compte que le malade, effectivement, est en train de souffrir, est en train de faire beaucoup de choses. À l'inverse, vous pouvez avoir d'autres malades qui vous font des tas de cris et de lamentations pour des trucs qui ne valent même pas l'ordre. Vous avez compris ? Voilà. Donc, comment apprécier la gravité ? Recherchez donc. Le premier signe qui doit apparaître, c'est quoi ? Pas le pied, qui est un micro. La pâleur, elle peut être attention. La pâleur. Vous avez des trucs sujets qui sont de clair de teint, etc. Peut-être qu'il y a un petit malaise vagal. C'est un sol qui met de l'eau. D'accord ? Et ça peut être compris comme étant une pâleur. Il faut vous fier à ça. D'accord ? Cliniquement, oui, on peut être orienté. Mais qu'est-ce qu'on vous dit toujours ? L'anémie est suspectée cliniquement, mais elle n'est prouvée que biologiquement. D'accord ? Mais il y a un ici qui a ce caractère. C'est l'hypotension. L'hypotension hors de stade. L'hypotension, c'est du tout souffle. D'accord ? Alors vous le mettez assis, vous parlez avec lui, ensuite vous lui dites de se lever, par exemple. Quand il va se lever, vous allez voir qu'il va faire des vertiges, qu'il va faire qu'il est un peu étouffé. D'accord ? Donc c'est le premier signe à apparaître, c'est l'hypotension orthostatique. Qui donne la vue généralement à un saignement assez important. C'est-à-dire au moins des moyens importants. D'accord ? Donc, l'hypotension orthostatique, ensuite vous avez la fréquence cardiaque. On a des fatigues ou pas ? D'accord ? Ça, ce sont des signes qui sont objectifs. Inspection, bien sûr. Chercher des maris, rechercher des les hémorroïdes et faire un toucher rectal, ça peut plus ou moins rapporter soit du sang, confirmer l'hémorragie, soit retrouver une ictiose. Je vais apprécier le sphincter. Est-ce que le sphincter est normotonique ou hypertonique? Dans quel cas atteindre le sphincter hypertonique? Fissure. Et c'est une étiologie des hémorragies asiatiques. Fissure. Fissure. Voilà. D'accord. Donc voici ce que peut apporter l'examen clinique, même si c'est pauvre en général. D'accord. Le plupart du temps, il est pauvre. Et là, après ça, on va passer aux examens. Aux examens par là. Alors, quel est le même examen paraclinique? Endoscopie. Non, mécanisme. D'accord. Biologique. Là. Endoscopie. Il y a coloscopie. Non. Il y a des contre-indiqués. Oui, oui, dites, allez, apprenez à parler. La simple gravité. La simple gravité. Tu vas demander à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a enseignement et. On peut voir une perforation. C'est pas bien, je perforation. On verra rien du tout. Tu vois tout comment on va aggraver. Ah, je vais voir. Tout le monde? Non. Non. L'interrogatoire, l'examen clinique. Ah, ça, c'est le raisonnement clinique. Ça, c'est la clinique. On arrivera quand on parlera des étiologies, on arrive. D'accord. Si vous n'avez pas pensé à une colite clinique, c'est quelqu'un qui a été irradié il y a quelque temps. J'ai dit que je souhaitais, par exemple, une colite radiculite. Vous n'avez pas suspecté une colite clinique. C'est quelqu'un qui est jeune, qui a 30, qui a 40 ans, qui a l'habitude de faire des diarrhées, de l'hérocontinence, qui montrait a priori une SUH. Vous n'allez pas suspecter une colite clinique chez quelqu'un qui est âgé, plus ou moins à la soixantaine, qui n'a pas fait de fièvre, parfois des douleurs abdominales du flanc, du flanc droit, du flanc gauche, etc. On ne pense pas beaucoup sur la question de diversité ou de malformatique. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Par contre, quelqu'un qui fait, par exemple, une installation rapide, assez âgée, du cardiopathie, emboligène, Subitement, il fait une chute fonctionnelle avec des diarrhées hémorragiques, donc douleur, diarrhée, des hémorragies. Ça, ça suffit. Vous voyez qui scrive. C'est de la clinique. La connaissance, c'est de la clinique. Vous voyez comme ça qu'on finit. Oui, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je disais que la polysophie est une chose. Il est toujours indiqué, sauf dans certains cas, mais que je l'ai dit tout à l'heure. Il reste toujours indiqué après une préparation colique. Il va vous donner le diagnostic dans à peu près 50% des cas, même parfois au-delà. Alors qu'est-ce qu'il va retrouver? Qu'est-ce qu'elle va retrouver cette colostomie? En général, le critère endoscopique pour dire que le cerveau est d'origine colique. Quels sont ces critères? En dehors de l'étiologie, hein, on ne parle pas d'étiologie, on rentre avec le coloscope, il voit des diverticules coliques, qui sont à colon droit ou qui sont à colon gauche. Le diverticule est responsable d'hémorragie digestive basse. Mais ce pourrait, ce qu'il est vu, n'est pas responsable de l'hémorragie. Parce que vous avez compris. Donc il y a des critères endoscopiques qui vont dire que ah, le saignement provient du colon. Je ne suis pas sûr, je retrouve des diverticules, mais je ne suis pas sûr que c'est le diverticule qui a saigné. D'accord? Et bien, il y a des critères endoscopiques. Quels sont ces critères endoscopiques? Je vais vous le dire. Généralement, quand on voit un caillou de sang sur quelque chose, ça peut signer un vaisseau qui a signé, qui a eu un caillou, donc il y a un caillou qui fait l'hémostase. Un caillou qui fait l'hémostase. On peut voir un vaisseau visible. Ça, si vous avez fait le moins digestif, vous aurez compris ce que je suis en train de dire. Il y a des critères, la situation de Forest, etc. On parle de ça. Donc c'est des critères endoscopiques. Des critères endoscopiques qui disent qu'il y a une hémorragie qui peut signer l'origine de l'hémorragie. Le caillou visible, d'accord? Donc le caillou qui fait le vaisseau visible, le caillou. Soit il peut voir carrément l'hémorragie, il peut voir le vaisseau qui est en train de signer. Ça c'est rare, mais il peut le voir. Il peut voir un vaisseau, un saignement actif, d'accord, qui provient d'une lésion bien déterminée. Ensuite, quand on fait une coloscopie, généralement on franchit la valvule de Bohn pour faire une petite ilioscopie, du moins les derniers centimètres. Alors si le sang est uniquement au niveau du colon, et en franchissant la valvule de Bohn, il n'y a pas de sang au niveau de l'ilion, on va dire que le saignement est d'origine colique. Vous avez compris? Donc voici les éléments qui remontent vers un saignement d'origine colique. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Je ne vous demande pas de les apprendre par cœur, mais au moins vous devez les connaître. Parce que ça, c'est du domaine du spécialiste, c'est l'endoscopiste qui va vous dire « Ah voilà, j'ai trouvé ça, je suspecte qu'il y a un saignement d'origine colique. » Mais retenez-vous, en tant que clinicien, que l'hémorragie estime haute, basse ou haute, premier examen à demander, pour la basse, c'est la coloscopie. D'accord ? Oui. Après la coloscopie. Oui. La FNAS ? Non. Il y a toujours un examen paraclinique radio-endoscopie. La FNAS, c'est dans le truc. Quel est l'apport ? La FNAS, dans les examens paraclinique, parce que ça, ce sont des examens à viser. L'étiologie. On cherche une étiologie. Oui. Tu demandes une FNS pour rechercher l'étiologie. Non. La FNS, sa place est là. La formule, sa place est là. D'accord? Là, tu demandes un taux d'hémoglobine. Tu demandes un taux d'hématocrite pour voir si l'hémoglobine est basse, si l'hématocrite est bas, tu places probablement malade dans un corps adjacent. Grave. Ça nécessite une réanimation. Oui. Pas besoin d'une FNS pour l'étiologie. Non. Ça, les examens que je suis en train de faire, c'est pour trouver l'origine du saignement. L'étiologie. L'avement. Pas d'avantage. L'avement connu. Pas d'avantage. Vous faites un aspect à la recherche de quoi? Raisonner. Ah, aspect. C'est l'aspect pour montrer un saignement. L'avement barité pareil. Vous faites un avant barité. Ce qui va vous montrer un saignement. Raisonner. Quels sont les examens qui peuvent vous montrer un saignement? L'échographie peut vous montrer. Non, l'échographie peut vous montrer une condition à l'intérieur de la salle intermédiaire, mais pas à l'intérieur du colon, pas à l'intérieur des scanner. Quel type de scanner? L'angiographie. Citez-moi les types de scanner que vous connaissez. C'est important, hein? C'est important. Vous avez fait le module de radiologie. On va parler des scanners. On va parler des types de scanners. prendre sans programme. Hein. Vous passez à l'année d'après sans connaître ce que vous avez fait auparavant. Ça ne marche pas. Je vous conseille de revenir à votre enseignement de fondamental. C'est très important. Revenez à l'anatomie. Revenez à la physio. Revenez à la radio. D'accord ? C'est très important. En tant que médecin, c'est très important. Avant de commencer dans la pathologie. Commencez par ça. Là. Maîtrisez ça. Ensuite, passez à la pathologie. Le deuxième examen, c'est un scanner, effectivement. Et ce qu'on appelle un longio, ce qu'on appelle une longio-scanographie, hélicoïdale. Plusieurs types de scanners. Donc ça, c'est ce qu'on appelle longio-scanographie. Scanner hélicoïdal avec étude automatérielle, avec injection et étude automatérielle. D'accord ? C'est la même chose. C'est le deuxième examen qui peut suivre la coloscopie, ou bien qui doit suivre la coloscopie. Qui peut suivre la coloscopie, ou bien qui doit suivre la coloscopie. C'est-à-dire, si on fait une coloscopie, la coloscopie est négative. La coloscopie est négative, on ne retrouve pas de lésion. D'accord ? Ou bien elle est impossible à faire. Il n'y a pas de coloscope, il n'y a pas de gastro qui fait la coloscopie, le mal n'est pas bien préparé. On peut avoir affaire à longioscanographie. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle va montrer ? Elle va montrer des stigmates de cellules. Ce sont des images radiologiques qu'on peut retrouver, par exemple une touffe de vaisseau. D'accord ? Vous avez au niveau par exemple de la vésicule intérieure qui est là, des petits vaisseaux, ensuite vous allez avoir une petite touffe comme ça, de vaisseau. Ça, ça correspond à un saignement. D'accord ? Ça peut correspondre à une zone de saignement. D'accord ? Vous pouvez retrouver d'autres signes, une pacification d'une veine par exemple. Quand il y a des chiens artéro-veineux, d'accord ? Vous trouvez une extravasation de ce produit, là, il va vous signer, même s'il ne vous donne pas l'étiologie, il va vous donner à peu près le lieu, l'endroit où ça s'est. Ça va vous dire, par exemple, on est au niveau du colon gauche, et bien au niveau du colon droit. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Voilà. Premier examen, réflexe à avoir, c'est la coloscopie. Si l'impossibilité d'affaire, non concluant, ininterprétable, etc., ou besoin de complément, on parle à longioscanographie hélicoïdale. Vous avez compris ? Hein ? Pas de question ? Bien. Troisième examen paraclinique qu'on peut faire. Là, allez, parlez, discutez, parlez. IRM, il n'y a pas d'indication. Du moins pour le moment, on verra dans quelques années peut-être. Mais pour le moment, une pas d'indication. On ne va pas montrer. Hein? Une artériographie. Très bien, artériographie. Alors, artériographie, elle a double intérêt. Elle a un double intérêt. Comment? Diagnostic et thérapie. Très bien. Quelle artériographie il faut décider. Donc vous envoyez votre malade à la radio. Pour le radiologue, vous l'envoyez chez lui, vous allez lui dire quelle artériographie. Fémorale, cérébrale, carotidienne, abdominale. Il n'y a pas d'abdominal. Quel vaisseau il y a dans l'abdomen? Mésentère. Mésentérique. Duodénale? Non. Mésentérique. Très bien. Mésentérique. L'artériographie, c'est le mésentérique. C'est un examen qui est assez invasif. C'est pour ça qu'on le réserve au cas difficile, au cas où on n'a pas encore d'étiologie. D'accord ? Alors là, l'artériographie, ça consiste à faire quoi ? Techniquement, ça consiste à faire quoi une artérie ? Bon, c'est le cathéter. Hein ? كاتيتر نو الكاتيتر انجكسيون تاع كومون فين الكاتيتر ولا انجكسيون تدخل الكاتيتر كومون نو الكاتيتر دي تنجكتي بالك برودوي راديو باك كيما كان Retenez qu'elle est peu d'intérêt en situation d'urgence. Ça dépend de temps. Des signalements de l'ordre de. Avec un débit de l'ordre de 0,1 millilitres par minute. C'est-à-dire la sensibilité de à cette égale pour le marché. D'accord ? Vous avez compris ? Voilà. Maintenant, voici, on termine les examens paracliniques par un autre examen qui n'existe pas chez nous, dont on a vu, pas encore vu. Bonjour, Yaram. Donc, la négativité de la coloscopie négative, les autres examens négatifs, eh bien, vous les avez pas fait. Vous faites une fibroscopie digestive haute également négative, un examen qu'on peut faire. Là, on suspecte un saignement intestinal. Vous avez entendu parler de la vidéocapsule. Oui. Bien. Montéroscopie par vidéocapsule. Ça s'appelle l'entéroscopie par vidéocapsule. Ou bien l'entéroscopie à double ballonnée que je connais. Sincèrement et honnêtement que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. De même que la vidéocapsule, on en a vu, on n'en a jamais vu. Donc la vidéocapsule, si la coloscopie est négative, si la vidéocapsule est négative, on suspecte un saignement intestinal, là on fait la vidéocapsule. Ça peut apporter un diagnostic. Vous pouvez un diagnostic. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Bien. Si vous avez fait votre examen paracliniques, vous pouvez arriver aux étiologies. Là, on va parler des étiologies. Alors, les étiologies, on peut les séparer en. Origine, colique. Maladie de Crohn. Maladie inflammatoire de l'intestin. Maladie inflammatoire des colites. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Les hémorroïdes. Les hémorroïdes. Cancer. Oui, les cancers. Les on peut les donner à la histologie, vous pouvez les donner par topographie, c'est-à-dire vous pouvez commencer par les causes anorectales. Vous pouvez commencer par une hémorroïde, fissure anale, d'accord ? L'ulcère thermométrique, d'accord ? L'ulcère solitaire, les varices rectales, isolées, telles qu'on les voit dans le cadre de l'hypertension portale, et vous pouvez remonter ensuite, prenant le bosse, etc. Ou comme vous pouvez les donner par ordre de. Ordre de fréquence. Quelles sont les fréquences ou quelles sont les étiologies les plus retrouvées? D'accord? Voilà. Donc, comme vous voulez. Là, vous pouvez les regrouper comme vous voulez. Pour moi, je vais vous les donner en bref. Et vous les regroupez comme vous voulez. Une des étiologies, disons, la plus fréquente, c'est la diverticulose pulmonaire. Végétation, tiens. C'est une hernie de la muqueuse. Donc la paroi digestive, elle est touchée de combien de couches? 4. Vous ne connaissez pas ça? Alors vous avez la serreuse. Sous la serreuse, vous avez. Musculeuse. Sous la musculeuse, vous avez. La sous-équeuse. Ça, c'est la lumière. Alors, le diverticule correspond à une hernie de la muqueuse à travers la paroi colique. Diverticulose colique. C'est quoi? Elle fait ça. La muqueuse va faire ça. Si bien qu'elle va, qu'est-ce qu'elle va? Elle va interrompre les différentes couches de la paroi colique. Combien de vaisseaux qui circulent? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une érosion d'un vaisseau. Quand il y a une érosion d'un vaisseau, il y a un saignement. Le problème, c'est que vous n'avez pas à se divertir. Il va y avoir diverticulose. Il va y avoir plusieurs diverticules dans un saignement. Et ça monte. L'une des complications de la diverticulose, c'est l'hémorragie. D'autres complications, qui sont la perforation surinfection, les abcès, etc. D'accord ? Mais l'une des infections, la deuxième complication, c'est l'hémorragie. Il peut y avoir saignement par, comme le colon, il freine deux matières, il peut y avoir un, qu'on appelle un stérocolite. Il peut y avoir un stérocolite, c'est-à-dire qu'il y a des matières qui se louchent au niveau de ce diverticule et qui peuvent éroder la paroi et donner un saignement. Généralement, le saignement, il cesse spontanément, il s'arrête tout seul. Dans la plupart des cas, ce saignement va s'arrêter tout seul. Est-ce que vous avez compris ? Mais il va récidiver. Quand on a une diverticulose, il va récidiver. Le saignement va récidiver. Alors, le traitement, on va parler du traitement. Le traitement, généralement, il est un traitement endoscopique et un traitement éthiologique. Le traitement endoscopique consiste à arrêter le saignement. D'accord ? Par voie endoscopique. D'accord ? Ou bien, dans les cas extrêmes, c'est la chirurgie, en faisant des résections coliques. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Voilà. La diverticulose colique correspond donc à une invasination du nerf inhibiteur du cœur à travers la paroi colique. Elle peut siéger sur le colon gauche, sur le colon droit, la plupart du temps sur le colon droit, et on peut la trouver également sur le colon gauche avec une grande fréquence. D'accord ? Le saignement est dû à l'érosion par la stérocolite, qui entraîne le saignement, et elle s'est totalement enlevée. Mais elle peut récidiver, elle peut avoir recours soit à un traitement endoscopique, soit à la chirurgie. Voici ce qu'il y a à dire sur la diverticulose. Deuxième diagnostic qui pourrait être fait, c'est une malformation acquise d'origine vasculaire, qu'on appelle des angios dysplasiques. C'est des malformations vasculaires acquises. Ça se voit à partir de 50 ans, 60 ans chez certains sujets. D'accord ? Où on voit c'est des vaisseaux qui commencent à se dilater, qui perdent leur élasticité, qui vont fusionner avec des veines et qui entraînent des shunts artério-veineux. D'accord ? L'enjeu du dysplasie colique, information vasculaire acquise, aboutissant à des shunts artério-veineux, d'accord, par modification de la paroi, des parois artérielles, et qui vont entraîner des saignements occasionnels. Ils vont entraîner des saignements occasionnels de temps en temps, même s'ils s'arrêtent également, il y a un risque de récidive. Est-ce que vous avez compris ? Le principal étiologie, c'est celle-là. Ensuite, vous avez, on entre dans le cadre des colites. Et là, vous avez toute la panoplie. La colite, elle peut être radique, ou post-radique. On va avoir des colites. On va parler. Une colite. Je ne sais pas comment on peut les prendre. Une colite inflammatoire. Ça s'appelle les Mickey. Une colite inflammatoire chronique, elle est ici. Et le c'est le wash. Vous allez faire le coup. Vous allez faire le coup, donc vous allez en parler. Vous allez colite ischémique. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans quel temps on le suspecte, etc. D'accord ? Là, on fait l'endoscopie. À partir de l'endoscopie, l'ischémie peut passer à la nécrose. Colite ischémique. Au départ, il y a un trou de la perfusion. La muqueuse est pâle, il y a une diarrhée ou il y a un saignement avec une douleur abdominale. La muqueuse est pâle au départ, il y a un risque de perforation. Il y a un risque d'installation d'une nécrose transhumérale avec perforation. Ça, c'est un risque. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme infectieuse ? Oui, colite infectieuse. Très bien. Chien colite et autres. À anaérobie en général. D'accord ? Là, vous pouvez montrer l'ASP qui peut montrer au scanner qui peut montrer de l'air au niveau de la paroi. Pneumatose. Ensuite, d'autres pathologies. Les tumeurs coliques. Bien après. Elles peuvent être bénies. Mani, d'accord ? avoir des myomes, d'accord, on va avoir une tumeur stromale, c'est un potentiel malin, et une tumeur maligne, généralement c'est des accidents. Généralement c'est le colon droit. Si vous avez fait un colon, le colon blanc, vous avez fait. On va vous dire que les tumeurs gauches sont beaucoup plus stérosantes, la pression stérosante, et comme vous le dites, ceux qui ont un cancer à gauche, que ceux qui ont un cancer à droite, qui eux, généralement, ça vient par l'enseignement en général, viennent là, les enseignants, les enseignants néoclassiques. D'accord ? Voilà, grosso modo, on peut rajouter ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les étiologies basses. Comment on peut le laser arrêter le saignement du colon? En détruisant les vaisseaux par la chaleur, en entraînant une coagulation du vaisseau qui est en train de saigner. Par la chaleur? Par la chaleur. D'accord? La chaleur, tout autour, le vaisseau qui est en train de saigner, on va appliquer le laser tout autour du saignement, ça entraîne une coagulation de ce vaisseau, ça peut entraîner la réunion. Pas d'autres questions?